C'est moi, ah ouais. Je vous ai interdit de copier ce CD. Il a une puce dessus, il n'y a pas de puce dessus. Mais même si vous avez vu, c'est le pain que... En tout cas, je vous ai interdit de copier ce CD. Car sinon, vous allez avoir 200 CD de je vous ai interdit de copier ce CD. C'est personnel. Is it?